Bonjour, c'est Mehdi. Bonjour à tous les jeunes de l'ENSAM de Meknès qui sont en train de nous écouter en ce moment et principalement à vos camarades, étudiants en génie industriel. Alors, c'est un véritable plaisir de m'adresser à vous via en fait ce médium en ce moment. J'aurais aimé être des vôtres et malheureusement, en fait, des engagements professionnels me portent ailleurs du Maroc. Maintenant, pour revenir à votre question, je vous remercie pour votre belle et riche introduction. Merci pour l'intérêt que vous portez à ma modeste personne. J'ai envie en prime abord qu'on réfléchisse ensemble à cette notion de carrière. Alors on répète toujours en fait des mots dans le sens gestion de carrière, réussir notre carrière, etc. Et pourtant ce mot carrière, il porte tant d'ambition et tant de vision positive dans notre en fait le monde d'ordinaire, dans notre manière de le voir. Mais par contre, en fait, le mot carrière à la base est un mot qui est assez négatif quand même. Quand vous pensez à carrière, vous devez penser à al-maqaleh, d'accord, maqaleh d'el ramla, ou maqaleh d'el hajra, etc., ou les bagnards, ou également les forçats, ou également en fait des milliers, pour ne pas dire en fait des dizaines ou des centaines de milliers d'ouvriers de parlement dans une certaine période, au 18e, au 19e siècle, même au début du 20e siècle, travailler très dur, dans des conditions très dures, 20 heures par jour, parfois. Et oui, je dis bien 20 heures par jour, il suffit de lire Germinal. Et très souvent, quand on commençait sa vie à travailler pour un entrepreneur, parce qu'à l'époque, en fait, même si les sociétés, elles existaient, les sociétés en nom de capitaux et non pas en nom de personnes, on disait toujours que je travaillais pour flemme ou pour elle. Donc il y avait en fait cette notion de continuité. Aujourd'hui, les choses, elles ont beaucoup changé. Et j'ai envie de dire que cette notion de carrière est une invention assez moderne. Assez moderne parce que le monde de l'entreprise en avait besoin. Le monde de l'entreprise, c'était lui qui a marketé en fait cette notion de carrière. Parce qu'il suffit de penser en fait à Ford et à Fayol, à la notion de spécialisation, à l'augmentation de la production. Et vous êtes des ingénieurs en génie industriel, aux bénéfices et aux bienfaits en fait de la maîtrise justement de la chaîne de production ou de l'effet d'expérience pour penser automatiquement à l'augmentation de la productivité. Donc on encourageait l'ouvrier à passer énormément de temps à l'intérieur d'entreprise. Déjà pour la maîtrise du processus, mais aussi, et là c'est l'approche moderne, pour s'imprégner de la culture de l'entreprise, pour considérer qu'il n'est pas juste en fait un simple input, pour considérer qu'il est carrément, en fait, il fait partie, en fait, de la composante majeure de cette entreprise. On a vu que la période de la crise économique, la dernière crise économique, les entreprises qui ont résisté le plus, qui ont été les plus, sont celles qui ont été les plus agiles, les plus créatrices de richesses et d'innovations, les plus créatives. Ces entreprises-là sont celles où les ressources humaines se considéraient comme étant chez eux et non pas chez l'employeur. C'est un phénomène qui est très, très important. Alors, vous avez parlé, en fait, vous m'avez demandé en prime abord de parler un tout petit peu de ma carrière. Il y a quasiment. Alors, il n'y a pas de souci, citoyen marocain, très fier de l'être, tout porté pour qu'après le bac, j'étudie l'ingénierie. Et pourtant, j'ai fait le choix à l'étranger, faire des classes prépa, etc. à l'étranger. Et pourtant, j'ai fait le choix d'abord de rentrer au Maroc et d'étudier, et d'avoir en fait mon bachelor en management et principalement en finance et en audit et contrôle de gestion. Alors, à même la dite banque qui était une banque internationale m'avait même proposé en fait de commencer à bosser avec eux, ce que j'avais commencé à faire. Je me suis entraîné les dernières fois les stages et tout le reste. D'ailleurs, j'ai commencé à bosser avant d'être diplômé, ce qui est assez marrant. Et par la suite, ils m'ont même proposé un programme d'élite mondiale d'Yalom. Alors, par là, le bon Dieu, il fait bien les choses. J'ai commencé rapidement en fait la finance internationale. Il y avait le leader mondial de la maritime de la logistique qui m'a proposé de l'intégrer en tant que jeune manager, d'accord, ou en futur manager, mais un programme d'élite mondiale d'Yalom, le MIS, le groupe Maersk. Alors, j'ai beaucoup apprécié mon passage à Maersk. C'était énorme, je leur suis très redevable. Mais dis-moi, quand tu as dit la logique de la Tsarbiya, c'est-à-dire la taxe Hajj, c'est-à-dire, je considère un homme, ils ont décidé de me former, parce que quand tu as une formation qui coûtait plus de 100 000 dollars, alors j'ai essayé chaque année de leur faire gagner beaucoup d'argent. Que nous avons des problèmes en fait à l'époque le Moyen-Orient, je vais pas en parler parce que c'est confidentiel. C'était moi qui avais pris en fait l'initiative de l'Égypte et de l'ATLZ. J'avais lancé les premières lignes de LCL de groupage en fait l'histoire en fait de l'industrie, le groupage en fait Frigo, les Mamrom avant à la destination du Japon. C'est des choses les très peu de nos compatriotes en fait que savent. C'était une philosophie à l'époque. Il y a quoi d'accord. Et quand vous faites ça, automatiquement vous devez maîtriser le domaine d'Yelcom. Parce que beaucoup de gens croient en fait que voilà parce que je suis manager ou que je suis ingénieur que je porte en fait ma cravate ou que c'est le casque bien détaillé mais c'est le casque sfardé des ouvriers ainsi de suite que non c'est à l'école nationale de maritime. Mais le tiers, en fait, il y a la machine, ça le fort. Et pourtant, je ne conduisais pas de bateau, mais j'ai appris, en fait, à le faire. C'est même les métiers du port. Ça va se mettre à Nesli qui est les outils chargés, outils à temps. Alors qu'on a fait le diwan, le khidmchon qui va chez Daira. D'accord? Ça n'a pas, en fait, le processus kamel. Même, en fait, le khidm, à choix, frayet, elle m'a dit que je me sens gol, remoukette. Mais je sais pas, je me sens mais, ben, je t'arrive comment gérer, eh ben, là, tu vois, tu connais, tu remoukes encore plus. Quand tu parles de production, de rationalité, tu sais exactement, en fait, à quoi t'attendre. Tu sais exactement ce que la personne peut faire de ce qu'elle ne peut pas faire. D'accord? Et idem, d'autres postes. Quand on travaille, maintenant, et là, je parle d'un autre élément, les valeurs, dans toute la tarbiyya, les valeurs des comptes, ce qu'on s'applique en fait le terrain. Ça a l'air comme si ma colasse. J'avais la philosophie, en fait, qu'on croit faire le transfert des cadres au Maroc. Pendant des années qu'ils existaient au Maroc, il n'y avait pas de transfert. D'accord? Allez voir, en fait, à la période, la petite période où j'ai passé chez eux, entre deux ans, avec les 2 années que j'ai passé chez eux. On a fait en fait des HEDA, on était même prêt en fait à créer des universités, transfert de savoir dans le domaine del ferroviaire en fait, parce que comme vous le savez, il n'y a pas d'académie del ferroviaire, il n'y a pas le Maghreb, etc. De faire du transfert de savoir en fait en termes de management, il y a eu en fait que notre 90% de l'encadrement était un encadrement étranger. Ça allait chercher, il y avait 90% de l'encadrement était un encadrement marocain. C'est les valeurs des noms en fait qu'on peut faire. Et qu'on peut appliquer sur le terrain. Ma logique était très simple. C'était pas de négocier le clou. J'ai dit, d'où là, marhaba. T'as un gros projet, tu penses le prendre. T'as un gros, ça y est, ben, t'as un gros energy bulk. Ou alquien, à côté, le business model qu'il faut faire. Il faut recruter des femmes, il faut recruter des femmes ingénieurs, il faut encourager ça, il faut, etc. On crée une valeur supérieure pour celui qui est en face, l'entreprise, mais aussi en appliquant nos propres valeurs, en travaillant nos pays. Là, c'est un message, en fait, qui est très clair. En parlant de ça, c'est ma manière, à moi, de dire aux jeunes, bénis votre propre vision de carrière. Une carrière, ce n'est pas là juste pour chercher un achel polo 7, les adhergettes, d'accord? Ou là, chercher, il connaît que l'autorisation pour prendre un crédit, ou chercher, en fait, d'art, ou chercher d'art, la comme là. D'accord? Une carrière, c'est juste un moyen, en fait, pour briller, un moyen pour créer quelque chose de supérieur pour vous-même, pour votre famille, pour votre entourage, pour votre copain et copine, pour votre femme, mais aussi pour votre pays. D'accord? La guerre mondiale est une guerre industrielle, est une guerre, en fait, économique. D'accord? On gère tellement de paramètres de complexité que le seul qui reste, c'est d'avoir des ressources humaines qui sont hyper compétentes. Donc, quand vous êtes à l'intérieur d'entreprise, vous êtes aussi un ambassadeur de votre pays. Donc, réussissez votre carrière, c'est une obligation nationale. Mais c'est une obligation qui est personnelle. Un autre élément qui est très important. Débarrassez-vous des idées reçues. Vous n'avez pas de limite. Mais qui n'a une limite à votre carrière, à part celle que vous acceptez. Aujourd'hui, je représente le plus grand groupe mondial. Je crois qu'il y a un rêve d'ici quelques temps. C'était un rêve personnel pour bâtir au Maroc un véritable cluster cognitif, pour créer un modèle de relation économique avec le Maroc américain. C'était une ambition qui était personnelle. D'accord? Parce que m'aimait l'importance de l'économie cognitive ou l'économie en fait en termes d'ingénierie pour notre pays, pour bâtir un cluster qui est africain ou moyen-oriental. Et on l'a réalisé. Ce que j'ai envie en fait de dire. Et votre propre rêve. D'accord? Et sachez distinguer, mes binettes, le rêve ou l'illusion. Un rêve, vous avez l'obligation de le réaliser. Une illusion, vous devez vous en débarrasser. Sachez en fait différencier entre un objectif et un moyen. Le pouvoir et l'argent sont des moyens très importants et très stratégiques, mais c'est des moyens, c'est pas des objectifs. Parce que ça arrive derrière le direction objectif. Et votre carrière, vous devez aussi la bâtir en fonction de qui vous êtes. Parce que sinon, il a continué dans l'artistique et dans d'autres choses. Là, vous devez choisir une carrière dans cette logique-là. Il a continué dans une logique, en fait, de donner un maximum de temps pour la famille ou du gosse. Mais on va rasquer en fait une carrière qui est dans cette logique-là. Parce que sinon, là, t'es jaffar va s'nir, khams s'nir l'oua la martel fnash va le khadir. Mais après ça, ce sera une chute libre. À l'intérieur de vous-même. Et une carrière aussi, d'un point de vue purement pragmatique, c'est aussi une logique d'influence. Je connais pas t'hain fad le khadir. Une carrière, vous êtes dans une logique de push. Half l'industrie. Jusqu'à un certain niveau. Où le prisme change et vous êtes dans une logique de pull et c'est le marché qui veut vous attirer. Alors tant que vous êtes dans le push, alors vous devez donner les bons signaux. Les bons signaux, lui, c'est la e-identity, c'est l'image en fait de dire comment en fait sur Internet et ainsi de suite. Même Facebook, Twitter, on ne sait pas, en fait, il y a LinkedIn et ainsi de suite. C'est ce que vous mettez comme vidéo sur YouTube. Bah, là, vous faites des présentations qui sont magnifiques toute l'année. Parlez-en, mettez ça sur YouTube, mettez ça sur SlideShare et ainsi de suite. Quand communiquer sur les sujets qui vous intéressent. Donner des séminaires de formation d'autres ingénieurs, en fait, sur les sujets qui vous intéressent. Publier des articles sur ça. La machine, d'accord? Créer de nouvelles choses et breveter-les. Nous avons besoin, en fait, de jeunes qui brevettent ça. Alors, la machine, c'est principalement des jeunes ingénieurs qui font ça. D'accord? Essayez, en fait, d'aller, de rencontrer, en fait, les influenceurs, aller à la source de l'information, ainsi de suite. Et surtout, devenir, en fait, le monsieur ou la dame, en fait, qui est expert dans ce sujet. Parce qu'à partir de ce stade-là, c'est les autres qui vont venir et vous chercher. Et une carrière, c'est aussi du marketing, et j'ai envie de dire deux choses. Une carrière ne se résume pas à une carte de visite. On ne peut pas résumer la vie d'un homme à son CV, et la vie d'un, ou la CV, ou le CV quelque part qui est une sommation de cartes de visite. Non. Vous êtes beaucoup plus que ça. Vous êtes des êtres humains à la base. D'accord? Donc, c'est les interactions d'IRCOM. Prenez-les en considération. Prenez en considération l'influence que vous avez sur votre entourage, aussi bien professionnel qu'ailleurs. Parce que moi, quand je suis en fait, je connais même cette plaque. J'ai eu des gens, les matériels. Et soyez ambitieux. Une carrière aussi qui m'a gonné, c'est du marketing. Donc, quoi qu'on vous dise, je suis désolé. Le screening initial qu'on fait pour les CV, ou le haja qui attire notre attention, c'est les entreprises fin d'où, sur les stages d'IRCOM. C'est les entreprises fin d'où. D'accord? Et plus l'entreprise elle est grande, elle est imposante et donc multinationale, et plus elle a de l'importance. C'est-à-dire, ouais. Nqta c'est le titre, et nqta c'est les thèmes, ou est-ce que vous étiez en train de gérer. Le thème pour le stage, un thème d'actualité, un thème attractif, mais aussi ce que vous étiez en train de gérer. D'accord? Et autre chose, pensez toujours, du moment que vous êtes encore étudiant, avoir des lettres de recommandation, même des employeurs, même d'accord? Et puis, oubliez-les sur vos sites, sur tout le reste, etc. Et ouais, par la suite dans votre carrière, et ça. Et là, vous prenez une lettre de recommandation, mais prenez-la sur le champ. Vous ne savez pas d'accord si il sera dans des entreprises ou pas, ou le ou là, ou la ou la ainsi de suite. D'accord? Donc, il faut savoir valoriser et capitaliser sur tout ce que vous êtes en train de faire. Et apprenez à communiquer, mais je suis dans l'excès, mais à communiquer d'une manière structurée sur ce que vous faites de bien. Parce que vous allez ouvrir la porte à d'autres personnes aussi pour réussir. Et un autre élément aussi, c'est la réussite, c'est aussi une affaire de système. C'est-à-dire ensemble. Vous êtes déjà un groupe. D'accord? Apprenez à vous entraider. Apprenez comme tiens ou non, apprenez à partager l'information au business comme, apprenez à nous filmer, si tu veux ça le chouette fait comme, j'arrive à ouvrir d'accord à nous cela, parce que la vie c'est des hauts et des bas, d'accord? Et apprenez aussi à nous, ce n'est pas parce qu'on a eu un mauvais passage au Hadnar ou là on était obligé de sortir d'une carrière, d'une entreprise du challenge, ça veut dire que c'est la fin. Si on arrive à le gérer, ça pourrait être la meilleure décision qu'on a faite de notre vie. Ok. Et gardez en fait la tête très très haute parce que ce pays il a énormément de potentiel tout simplement quand vous vous croyez en son potentiel. Allez, écoute, comme tout à l'heure. Si on croit en ce pays, il sera un Eldorado demain. Quand vous pensez en fait à New York, à Dubaï, etc., vous pensez à des villes où on réussit tous. Et quand on pense ainsi à une ville ou à un endroit ou à un pays, alors automatiquement on arrive à attirer les meilleurs capitaux, on arrive à attirer les meilleures têtes pensantes, les gens qui ont la volonté de travailler, et les gens, la kholal les qui sont créatifs. Alors réunissez-moi ces quatre éléments, fais une majmatchomlia, et là vous serez une réussite. D'accord? Donc vous êtes ce pays, et ce pays c'est vous également. Donc, réussissez vos carrières parce que c'est la réussite de tout un pays. Réussissez d'une manière qui est systémique. Et beaucoup de bon courage dans votre carrière. Merci.